depuis à 15 ans, coupe à la Rihanna. Ça guette en bas du bloc en pyjama. Y'a la capulerie sur la Yamaha. Tu m'as trahi, ça m'a fait un choc. J'ai comme l'impression d'avoir fumé un choc. Smoke, là c'est dur, si t'es pas content, fuck. On smoke et d'elle, c'est devenu un choc. Tu l'as carotté, je crois sur tes morts. Ça t'énerve, on prend tes max, on démarre. Dédicace, quartier sud, quartier nord. Tu veux me connaître, je suis le ying et le yang. Mais fais le moonwalk, tu veux pas que ça fasse bang. A tes côtés, tu fais partie d'un gang. Mais tu descends pas en promenade, t'as peur qu'on te tangue. Viens pas me faire ton héros, on sait tous que t'es un blaireau. Tu me fais ton numéro, mais on sait qui t'es, mon frérot. La. On sait que c'est nous quand tu parles. Tes gestes te trahissent et tout pâle. À la part de la rue des coupables. Conseil quand tu nous croises. Fais le moonwalk. Fais le moonwalk. Que tu connais Soprano, que ton garage est celui de Ronaldo, que t'as le salaire du gagnant du loto. Gros mytho, gros mytho. Ton portefeuille est plus sec que le Sahara. Dans toutes les caves et dans tous les garages, on dit que t'as le passé de Morgan Lara. T'as la rage. Quand tu nous vois saper comme dans tes rêves. Sable luxe, milanaise. Ta femme nous regarde en se mouillant les lèvres. Oh là là, oh là là. Dis-lui que mes potes sont plus chauds que la braise. Rien à foutre que tu sois balèze. Crie à l'aide et ne pas me faire ton héros. Quand t'arrives à Marseille, en boitant sur vêtements la coffre. Fais le moonwalk.